Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est le numéro 137 de nos émissions Coup de cœur que je suis chargé de vous présenter aujourd'hui. Une lourde responsabilité bien sûr, non je plaisante, c'est que du bonheur de vous retrouver chaque semaine sur l'antenne de Fadjet 94.2. Si vous nous découvrez aujourd'hui, soyez les bienvenus. Je vais commencer par de plates excuses. En effet, il y a 15 jours, la semaine dernière, c'était une émission spéciale, c'était notre hit parade des coups de cœur mensuels. Je vous rappelle que les trois premiers sont Sheila, Mylène Farmer et le duo Slimane et Zara, des chansons qu'on affectionne tout particulièrement. Mais il y a 15 jours, je vous ai proposé un coup de cœur qui était consacré à Ringo. Et là, horreur, malheur, vous avez été plusieurs à me le signaler, je vous ai passé deux fois la même chanson. Et ce qui était prévu, le premier grand tube de Ringo qui s'appelle « Elle, je ne veux qu'elle », je l'ai squeezé. Alors avant de lancer le coup de cœur de ce jour, on l'écoute ensemble, Ringo, « Elle, je ne veux qu'elle ». Quelques indices pour ce qui va se passer juste après. Si je vous dis Francine, si je vous dis comment pourrais-je m'exprimer pour vous donner une piste sérieuse, si je vous dis jazz, si je vous parle du Rayol Canadel, est-ce que ça vous a mis sur la piste? On en reparle dans quelques minutes. Les souvenirs ont bloqué ma porte, mais de ma peine il faut que je sorte pour oublier cette fille qui m'a meurtri. Je dois reprendre enfin goût à la vie, mais les rues sont pleines de gens qui s'agitent, et devant les vitrines, les bars, les affiches, je crois apercevoir partout son visage. Tout me la rappelle, rien ne la remplace. Aussi ne me parlez jamais d'une autre, non d'aucune autre. Elle, je ne veux qu'elle, et son amour fragile, tendre et sauvage. Elle, je ne veux qu'elle, pour l'emporter, l'aimer et vivre ensemble. Elle, je ne veux qu'elle, je me battrai et je dois la retrouver. Elle, je ne veux qu'elle, pour qu'un jour enfin la vie nous rassemble. Obstinément, j'ai cherché l'oubli. Une autre alors entra dans ma vie, intelligente aussi, peut-être plus jolie. J'ai cru l'aimer, être enfin guéri. Mais la plus belle n'est pas toujours la meilleure, et mon nouvel espoir n'était qu'une erreur. Car à travers ses gestes, à travers son corps, je cherchais toujours celle que j'aime encore. Aussi ne me parlez jamais d'une autre, non d'aucune autre. Elle, je ne veux qu'elle, et son amour fragile, tendre et sauvage. Elle, je ne veux qu'elle, pour l'emporter, l'aimer et vivre ensemble. Elle, je ne veux qu'elle, je me battrai et je dois la retrouver. Là, pour le coup, vous avez pu retrouver les petits claquements, les petits grésillements des 45 tours qui sont si chers à notre ami Gaël dans Vinyl Maniac, que vous retrouvez à 20h chaque jeudi également sur cette même antenne. Maintenant, je vais vous parler d'une star adulée en France et en Angleterre. C'est celui à qui on va rendre hommage aujourd'hui pendant une heure. Artiste reconnu aux États-Unis, chanteur romantique en Allemagne, crooner en Argentine, Italie, Brésil, Australie et même au Japon. Jazzman émérite, animateur vedette, guitariste surdoué, que de qualificatifs. Véritable homme de scène, il se plaisait à le dire, musicien avant tout. Coup de cœur. Notre coup de cœur aujourd'hui sur Fadjet, c'est ça. j'avais 15 ans, c'était le temps de ma première guitare. Et tout ce temps revient souvent du fond de ma mémoire. Ces 15 ans-là, c'était Django qui les mettait en fête. En ce temps-là, c'était Django qu'on avait dans la tête. Dans sa musique, il y avait comme une odeur de feu de bois. Il y avait un je ne sais quoi, moitié Harlem, moitié bohème. Et sur tout ça, passait joyeux de merveilleux nuages, pareil à ceux qu'ont dans les yeux tous les gens du voyage. C'est bien sûr de Sacha Distel dont on va parler aujourd'hui pendant une heure dans Coup de cœur. D'origine russe par son père, né à Odessa en 1894, mort d'ailleurs en 1970, il est né en janvier 33 à Paris, notre Sacha Distel. Il est aussi le neveu de Ray Ventura par sa maman, qui s'appelait André Ventura, d'origine turque et de religion juive, pianiste et ancienne lauréate du conservatoire. Alors son père arrive en France en 1917, au moment de la révolution russe, pour y rejoindre son frère qui possède une usine de produits chimiques. Il fait des études d'ingénieur chimiste avec l'intention de travailler justement dans l'usine de son frère, mais celui-ci, en raison de difficultés financières, part vivre au Mexique. Son père devient alors garagiste, puis commerçant en produits électroménagers. Alors Sacha Distel apprend le piano très jeune. Bien qu'il admire, il ne le voit alors jamais. De qui on parle ? De son célèbre oncle Ray Ventura, qui est souvent parti en tournée, sauf lorsque celui-ci installe son orchestre à Paris. Ray Ventura, les plus jeunes, est-ce que ça vous parle ? J'en suis pas sûr. On va écouter un standard. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? C'était de la bonne humeur. Ray Ventura, c'était dans les années 50, bien sûr. Thank you.

Cette chanson douce, je veux la chanter aussi. Pour toi, ô ma douce, jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie. Nos coups de cœur. On ne les partage qu'avec vous sur Fadjet. Je sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait. Mais elle est ma préférence à moi. Oui, je sais, c'est elle indifférence qui est sa défense. Vous fait souvent offense, mais quand elle est parmi mes amis de faïence, que faïence, je sais sa défaillance. Je le sais. On ne me croit pas fidèle à ce qu'elle est. Et déjà vous parlez d'elle à l'imparfait. Mais elle est ma préférence à moi. Il faut le croire, moi seul je sais quand elle a froid. Ses regards ne regardent que moi. Par hasard certitude, par hasard, j'aime sa solitude. Il faut le croire. Moi seul je sais quand elle a froid, ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait. J'espère que vous êtes bien installés pour cette émission consacrée à Sacha Distel, du calme, du jazz, ambiance jazzy un petit peu. Alors nous sommes maintenant à l'hiver 48. Musicalement, à ce moment-là, le processus est en marche. Maman André, la maman de Sacha, l'oblige à de longs et fastidieux cours de piano, mais l'illumination viendra d'ailleurs. En effet, tonton Réventura, accompagné de l'un de ses collégiens, Paul Misraki, et d'un copain qui n'a pas encore de vrai job, et on ne sait pas encore ce qu'il va faire plus tard, un certain Bruno Cocatrix, conduisent le jeune Sacha à l'Alhambra. Et ce soir-là, la vie de ce dernier va se jouer. Face à Dizzy Gillespie, c'est le jazz qui est littéralement entré en lui. D'ailleurs, à la réflexion, entrée, c'est le mot qui convient. Entrée sans infraction, Cette musique venait embraser chaque neurone de son cerveau, irradier chaque nerf, allumer chaque cellule, réveiller chaque chromosome. Il sera musicien de jazz, c'est sûr. Une respiration musicale, justement, pour écouter ce qu'il faisait à l'époque, Olympia Orgy par Sacha Distel et Dizzy Gillespie dans Bang Bang. Jet à Nancy sur 94.2. pour le coup, un univers musical vraiment spécifique aujourd'hui dans notre émission, c'est celui de Sacha Distel. Ainsi, donc, dans cette période va débuter une singulière période qui va, avec le recul, jeter les bases de ce que sera la vie de Sacha Distel pendant de longues années, c'est-à-dire travail acharné le jour, mais dès les premières tombées de la nuit, direction Saint-Germain, où le tout Paris qui réfléchit se donne rendez-vous pour swinguer aux élans du bebop. En 1951, devenu éditeur, Tonton Réventura l'embauche. Il lui propose d'aller apprendre le métier, et l'anglais par la même occasion, à New York, puis à Londres. En 1951-52, retour en France, la nuit, Sacha chante un peu, joue beaucoup et aime passionnément. Le jour, il est éditeur musical. C'est dans ce cadre qu'il rencontre la star planétaire du moment, qui n'est autre que bébé Brigitte Bardot. Entre eux, pas de coup de foudre, mais une volonté, celle de Brigitte. Après Gréco, Moreau, c'est un joli tableau de chasse, Sacha s'affiche avec Bardot. La carrière s'amorce et le répertoire s'étoffe. Manque plus qu'un tube. C'est l'Amérique qui va le lui offrir. Nous sommes en 1958 et il doit donner un de ses premiers concerts dans un Alger déjà en ébullition. Seulement voilà, le répertoire est un peu court. En visite à New York, il entend Nancy Holloway interpréter une chanson de Peggy Lee racontant sur fond jazzy l'histoire d'une fille vendant pommes, pêches et cerises. Déclic excite les deux derniers fruits. La version française mentionnera des pommes, certes, mais des poires et surtout ce qui va devenir l'objet culte de la France des années 60, les Scooby-Doo. La légende est en marche. À 23 ans, Sacha signe le premier d'une longue série de tubes. Respiration musicale, on le retrouve en duo avec Brigitte Bardot, Le soleil de ma vie, puis évidemment les Scooby-Doo. Le soleil de ma vie, tu es le soleil de mes jours, tu es le soleil de mes nuits, tu es le soleil de l'amour. C'est comme si depuis plus d'un million d'années, c'est comme si nous nous étions trouvés en nous cherchant depuis la nuit des temps. Oh, oh, oh, oh. Tu es le soleil de ma vie. Soleil de mes nuits, tu es le soleil de l'amour. C'est comme si je t'avais attendu dès le matin du premier jour. Oh, oh, oh, c'est comme si je t'avais reconnu quand je t'ai vu venir à mon secours. Oh, oh. Le soleil de mes nuits, tu es le soleil de l'amour. Oh, oh, oh, oh, oh. Tu es le soleil de ma vie. Tu es le soleil de ma vie. Vous écoutez Coup de cœur sur Fadjet. Coup de cœur. Scooby-Doo-Ah. Scooby-Dooby-Ooh-Ah. Scooby-Dooby-Ooh-Ah. Scooby-Dooby-Ooh. La rencontrant chez les amis, je lui dis, mademoiselle, que faites-vous donc dans la vie? Eh bien, répondit-elle, je vends des pommes, des poires et des Scooby-Dooby-Ooh. Ah. Pommes, pommes, poires, poires et des Scooby-Dooby-Ooh. Ah. Scooby-Dooby-Ooh. On a dansé toute la nuit, puis au jour, on est parti chez moi discuter de l'amour et des fruits. Comme elle se trouvait bien chez moi, aussitôt elle s'installa. Et le soir, en guise de dîner, elle me faisait manger des pommes, des poires, des Scooby-Dooby-Ooh. Ah. Pommes, pommes, poires, poires, des Scooby-Dooby-Ooh. Ah. Scooby-Dooby-Ooh. Ça ne pouvait pas durer longtemps, car les fruits, c'est comme l'amour. Autant user modérément, sinon ça joue des tours. Quand je lui dis, faut se quitter, aussitôt elle s'écria, mon pauvre ami, des types comme toi, on en trouve par milliers. Une bonne poire, et les Scooby-Dooby-Ooh. Ah. Pomme, pomme, poire, poire, et les Scooby-Dooby-Ooh. Ah. Scooby-Dooby-Ooh. La leçon que j'en ai tirée est facile à deviner. Célibataire, vaut mieux rester plutôt que de croquer. Les pommes, des poires et des Scooby-Dooby-Ooh. Ah. Pommes, pommes, poires, poires et des Scooby-Dooby-Ooh. Ah. Scooby-Dooby-Ooh. Ah. Scooby-Dooby-Ooh. Ah. Si vous nous rejoignez, sachez que notre émission est consacrée à Sacha Distel. Et si vous avez loupé le début, vous sachez également que vous pouvez nous retrouver 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour le podcast de cette émission sur Internet. Fadjet sur Internet, www.fadjet.net. www.fadjet.net. Nous sommes en 1962, après avoir testé le programme sur les ondes radio de Radio Luxembourg, Mariti et Gilbert Carpentier, les célèbres Mariti et Gilbert Carpentier, proposent une émission à Sacha Distel. Moment d'hésitation, puis il accepte. Ce sera le Sacha Show, l'émission ancêtre du fameux Top A. Ça durera 10 ans. 10 ans de duo, de live, comme on dit aujourd'hui, de sketch et autres moments de bravoure. Et tout ça en direct, messieurs, dames. En 1964, Sacha a 31 ans. C'est un moment tragique pour lui. Il perd sa maman. Attaque cérébrale, cette femme ne se sera jamais remise des 18 mois d'enfermement en camp que lui avaient imposé les nazis à l'époque. Cette même année, illustration parfaite de la perpétuelle douche écossaise que fut sa vie, Sacha compose Marina, une mélodie destinée à illustrer un film qui s'appelle Les 7 péchés capitaux, et la partition traverse l'Atlantique, tombe entre les mains de Tony Bennett, puis de Sinatra. Le titre anglais, premier à avoir des paroles, sera The Good Life, et en français, il deviendra un standard. Vous l'avez deviné, il s'agit bien sûr de La Belle Vie. On va écouter les deux versions, on va commencer par Frank Sinatra, et puis ce sera Sacha Distel. It's the good life, full of fun, seems to be the ideal. Yes, the good life lets you hide all the sadness you feel. You won't really fall in love, 'cause you can't take the chance. So be honest, with yourself. Don't try to fake romance. It's the good life to be free and explore the unknown. Like the heartaches when you learn you must face them alone. Please remember, I still want you. And in case you wonder why, well, just wake up, kiss that good life. Fadjet, le bonheur en chanson. Ainsi, les années 60, variées, rythmées, animées, la télévision est un formidable accélérateur de particules. Sacha devient l'un des Français les plus populaires de l'Hexagone. Contre toute attente, c'est l'étranger qui apportera une reconnaissance publique qualitative chère au cœur du crooner. L'Allemagne d'abord. Sacha y entame une carrière de chanteur réaliste, dans la langue de Goethe bien sûr. Ça marchera, mais lassé de ne chanter que des choses tristes, c'est lui qui coupera court. Puis contre toute attente, dans les années 70, porté par le succès de « Toute la pluie tombe sur moi », Sacha deviendra pour de longues années le français préféré des Anglais. Une reconnaissance qui le portera à endosser le premier rôle dans la célébrissime comédie musicale « Chicago » sur les planches du non moins fameux Adelphi Theatre, si on prononce en anglais. La reine, sachez-le bien, en personne, l'invitera à chanter pour elle à 3 reprises à l'occasion du Royal Variety Performance au nom du moins fameux London Palladium. En France, dans les années 70 et 80, il connaît de beaux succès. Il signe pour la distribution chez Disque Carrère en 75. On a parlé de Claude Carrère il y a quelques semaines. Ses principaux tubes, on peut citer Vite, chérie, vite, Toutes les mêmes, Pour une nuit avec toi, Toute la pluie tombe sur moi, Le bateau blanc. Justement, cette chanson qu'il a promue en Angleterre, on va l'écouter tout de suite. Toute la pluie tombe sur moi. J'espère que ce n'est pas le cas aujourd'hui pour vous, où vous vous trouviez. Toute la pluie tombe sur moi, et comme pour quelqu'un dont les souliers sont trop étroits, tout va de guingois, car toute la pluie tombe sur moi de tous les toits. À chaque instant, je me demande vraiment ce qui

les écuries ont donc brûlé? Expliquez-moi, mon chef modèle, comment cela s'est-il passé? Oh. Cela n'est rien, madame la marquise, cela n'est rien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien. Si l'écurie brûla madame, c'est que le château était en flamme. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Allons, allons Simon, quelle nouvelle? Notre château est donc détruit? Oh, expliquez-moi, car je chancelle. Comment cela s'est-il produit? Et ben voilà, madame la marquise, apprenant qu'il est terminé, à peine fit-il revenir de sa surprise, que monsieur le marquis s'est suicidé. Et c'est en ramassant la pelle qu'il renversa toutes les chandelles, mettant le feu à tout le château qui se consuma de bas en haut. Le vent soufflant sur l'incendie, le propagea sur l'écurie. Et c'est ainsi qu'un amama homme vit périr votre régiment. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Vous avez peut-être reconnu au passage également Popek et puis Jacques Martin. Alors Sacha Distel, il passera les 30 dernières années de sa vie à lutter contre 4 cancers successifs. Il y aura des moments de rémission, des moments durs, de la souffrance, de l'abandon et beaucoup de craintes. Du bonheur aussi, c'est vrai, mais pas de plainte, toujours le sourire. Sacha Distel nous a quittés le 22 juillet 2004 à l'âge de 71 ans. Il repose dans la crypte familiale de la propriété de ses beaux-parents au Réole Canadel. C'était un des indices que je vous avais donné. Un endroit charmant entre Cavalière et Cavalaire pour ceux qui connaissent sur la Côte d'Azur. En ce qui concerne sa vie privée, en 1963, il rencontre à Megève Francine Bréau, une championne de ski. De cette union naîtront deux garçons, Laurent et Julien, mais plus que tout, une famille. Élément primordial dans l'équilibre et le fonctionnement de Sacha Distel. Pendant plus de 40 ans, Francine verra tout, vivra tout, saura tout. Dans l'ombre, amoureuse, présente, discrète. Notons, je vous le rappelle, une tragédie dans la vie de Sacha. En avril 85, au volant de sa Porsche, il est victime d'un accident de la route sur la RN7. Et sa passagère, l'actrice Chantal Nobel, alors héroïne du feuilleton télévisuel Château Vallon, est grièvement blessée et restera handicapée à vie. Sacha Distel, légèrement blessé à la tête, est condamné à 1 an de prison avec sursis pour blessures involontaires. Genre un petit clin d'œil à ce feuilleton avec Herbert Léonard, Puissance et Gloire, et puis Sacha Distel dans un titre, vous vous rappellerez certainement de l'illustration télévisuelle du clip Toutes les Mêmes. Puissance et Gloire, Herbert Léonard. Et ambitieux, tout se confond aveuglément dans la folie et dans le sang. Puissance et gloire dans l'eau trouble d'un regard, l'aventure et la passion. Autour de Château Vallon, puissance et gloire, étranger brûlant par cours, qui tôt ou tard finit sur un dernier mot d'un. Par la tourmente, douce, romantique ou intrigante, nul ne sait rien de vos secrets, de vos désirs, de vos regrets. Puissance et gloire dans l'eau trouble d'un regard, l'aventure et la passion autour de château. Coup de cœur à Nancy sur 94.2. Que dire pour conclure avec la vie de Sacha Distel, son existence ? J'ai trouvé quelques mots d'Éric Jean-Jean et ça me semble tout à fait adapté. Guitariste surdoué, esthète souriant, mélodiste brillant, showman adulé, humaniste discret, séducteur patenté, Sacha Distel aura surfé toute sa vie sur les vagues d'un siècle tourmenté. Crooner populaire, pas bégueule pour dessous, il gardera jusqu'au bout intact l'amour de cette vie qui lui a d'emblée tout donné, puis avec une effrayante, une implacable régularité, rappeler que rien, personne n'était jamais acquis, pas même la belle vie. Wow, papa, quel malheur, quel grand malheur pour moi. Wow, papa, quel scandale si maman savait ça. À Trinidad, tout là-bas aux Antilles, à Trinidad vivait une famille. Avec la maman et le papa et le grand-fils aîné, qui à 40 ans n'était toujours pas marié. Un jour il trouva la fille qu'il voulait, il dit à son père, je voudrais l'épouser. Hélas mon garçon, hélas tu ne peux pas, car cette fille est ta sœur et ta mère ne le sait pas. Wow, papa, quel malheur, quel grand malheur pour moi. Wow, papa, quel scandale, si maman savait ça. Deux ans passés, mère ne le sait pas. Wow. Papa, quel grand malheur pour moi. Wow. Papa, quel scandale si maman savait ça. 10 ans après, il revint tout ému et dit à son père, le vin, c'est ce que j'ai vu dans la plantation, on vient l'embaucher. Plus de 50 filles du village d'à côté. Hélas, mon pauvre enfant, les dieux sont contre toi. Toutes ces filles ont tes sœurs et ta mère ne le sait pas. Wow. Papa, quel malheur, quel grand malheur pour moi. Wow. Papa, quel scandale si maman savait ça. À bout de patience, il s'en fut. Ton père ne le sait pas. Wow. Maman, quel bon bonheur pour moi. Wow. Maman, quel scandale si papa t'arrête ça. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Le dernier titre, c'était bien sûr Scandale dans la famille, capté à l'Olympia en 1966. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi de redécouvrir l'ambiance, les chansons, la vie de Sacha Distel. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine. Si ça vous manque, sachez que 24h sur 24, vous nous retrouvez dans le podcast www.fadjet.net. Cette émission sera disponible juste après la diffusion sur l'antenne. J'espère pour vous une excellente semaine en cet automne 2022. Portez-vous bien et puis rendez-vous à 17h la semaine prochaine. Salut !